Hello, bonjour à tous et à toutes et à tous, pardon, faut respecter les ordres. Et bienvenue pour la première édition de Les Bulles de la Case, donc une émission consacrée au 9e art. Alors, tous les mois, vous retrouverez Géraldine, ici présente, et Pascal, qui évoqueront pour vous la culture de la BD avec un programme très simple. Hein. Deux animateurs, donc enfin un animateur et une animatrice, et pour chacun d'eux, deux albums coup de cœur à partager avec vous. Alors Géraldine, j'ai hâte de savoir quelles sont tes préconisations du jour. Bonjour à toutes et à tous, donc c'est Géraldine, et pour aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser le thème de l'anthropomorphisme dans la bande dessinée. Qu'est-ce que c'est que c'est ça, ça ? Alors, l'anthropomorphisme, c'est très simple à comprendre. Il s'agit tout simplement d'attribuer aux animaux des réactions humaines. Dans l'histoire française, le premier qui a fait ça, c'est évidemment Jean de La Fontaine, qui utilisait au XVIIe siècle ce principe pour se moquer de ses congénères. On a aussi l'illustratrice Béatrix Potter, ça parle peut-être à certains d'entre vous, qui avait mis au point ce petit personnage de Jeanne au lapin, que tu connais peut-être, Pascal. Ah oui, ça me rappelle des belles années quand j'avais des cheveux. Mais qui est quand même plus vieille que toi, puisqu'elle a commencé ses petites histoires au tout début du XXe siècle, en 1904. Ah oui, quand même. Et pour préciser l'usage de l'anthropomorphisme dans la bande dessinée, moi j'ai choisi en particulier le genre du roman policier. Roman policier, anthropomorphisme. Voilà, exactement. Explique-moi tout ça un petit peu. Eh bien, tout simplement, donc j'ai choisi pour aujourd'hui deux bandes dessinées, une pour adultes et une pour enfants. Mmh. La première pour adultes, c'est la série Black Sad de Diaz Canales et Guardino. Je pense que la plupart des gens l'ont déjà entendu parler. Le chat détective. Le chat noir détective. Et ensuite, à destination des plus jeunes, l'histoire de Jefferson, qui est aussi un roman policier, qui est une adaptation par Quand Antoine Rosier. Quand tu dis plus jeune, c'est pour quel... Jefferson, c'est plutôt à partir de 9-10 ans. D'accord. Voilà. Donc, pour commencer, je vais m'occuper des adultes. D'accord. Alors, Black Sad, c'est ça ? Ouais. Allez. Black Sad. Donc, Black Sad, c'est une série qui a été commencée au tout début des années 2000 et qui est encore en cours. Le dernier tome, qui est le septième, qui en fait fait partie d'un diptyque, donc en vrai que six histoires, a été terminé en 2023. Donc, le pitch de cette série, il s'agit donc d'un chat détective avec un très beau costume et qui est donc détective privé. Ça se passe au cœur des années 50, plutôt aux États-Unis, où les auteurs... Donc c'est Philippe Chamarlot. Philippe Chamarlot. Oui, non, je sais pas, Chamarlot. Ah, oh, c'est non, vrai. C'est pas bon, c'est ça. Vrai, j'avais oublié. J'avais oublié ces petites choses-là. Donc, les auteurs, en fait, au fil de ces six albums, vont persévérer sur la démonstration, en fait, des aspects assez sombres de l'histoire des États-Unis. En utilisant, en fait, les atours des romans noirs de la littérature américaine et avec un certain cynisme chez notre personnage principal. Pour le premier tome, ça commence sur un meurtre, en fait, on trouve... Classique. Classique. Ben, c'est un classique, de toute manière, d'une certaine manière, même si ça date des années 2000. Une femme a été assassinée, Black Sad est dans le coin... Il vient voir parce qu'il connaît le policier qui vient pour suivre l'affaire et il s'avère qu'il a été l'amant de cette personne-là. Et donc, évidemment, le premier mot du commissaire, c'est de dire « Tu t'approches pas de cette affaire, évidemment, puisque tu as des liens avec la victime. » Et au lieu de se tenir à l'écart, évidemment, il va mener une enquête. Donc, l'ensemble des tomes fournissent de la baston, de la perfidie, des traquenards, de la corruption, tout ce qui peut se faire d'obscur en vis-à-vis des humains. Tous les ingrédients du roman noir quoi, à l'américaine. Tout à fait, tous les ingrédients du roman noir à l'américaine. En BD, qui pourrait presque poser une sorte d'effet miroir, comme une approche un peu introspective de notre espèce, l'espèce humaine, qui serait potentiellement une espèce définitivement perdue, tellement elle serait crasseuse. D'accord. Black Sad, son nom, parce que c'est toujours une petite anecdote, son nom en fait vient d'un poème de Federico Garcia Lorca. Oh. qui s'appelle Pena Negra en espagnol, donc peine noire. Et ils ont fait, comme ils sont espagnols, et le scénariste et l'illustrateur, ils ont fait une sorte de traduction en anglais pour voir ce que ça donnait. Et ça a donné Black Sad. Et ils se sont dit, mais ça tabasse. Ça tabasse. Notre personnage va s'appeler Black Sad, d'autant plus qu'il est noir de poils. Noir de poils. Oui. Et qui se traîne aussi un peu, et dans son attitude, et dans sa psyché, un peu de fatalisme. Il passe son temps à traverser, au fil des albums, diverses tragédies qui le touchent, parce que souvent, il a des pertes de personnes importantes dans sa vie et qu'il connaissait. Voilà un petit peu pour le topo. Alors quand même, petit problème, parce que je me suis laissé dire qu'on ne trouvait plus les albums originaux de Black Sad, ils sont épuisés. Il y a c'est des albums qui ont cartonné. Il faut savoir en plus que Black Sad, c'est leur premier coup de bande dessinée, puisque c'est la première qu'ils ont réalisée ensemble, et qui a marché de suite. C'est édité chez Dargo. Tiens, le préciser. C'est en couleur pour plaire en fait au public occidental et européen, puisqu'initialement ils ont sorti ce personnage-là en forme découpée dans le magazine Pilote, et c'était en noir et blanc. D'accord. Pour pouvoir coller en fait au polar noir et pour faire référence à d'autres auteurs américains. Et en fait, en discutant entre eux, ils se sont dit on passe à la couleur avec. Quelque chose d'intéressant par rapport à la couleur, parce que Juanjo Guardino, et donc c'est lui l'illustrateur, en sachant que Canales dessine aussi. Oui, les deux dessinent. Oui, les deux dessinent, oui. Et c'est un aquarelliste à tomber par terre. L'ensemble de la bande dessinée, que ce soit les pleines pages ou les cases, sont truffées de travail très très pointu sur la lumière, sur les couleurs. Avec des recherches, parce qu'il existe un album spécial sur les recherches de Guardino pour Black Sad, où il a un travail extrêmement minutieux, case après case, avec des points de vue, des perspectives qui sont assez... C'est marrant, parce qu'on verra avec mes choix que les dessinateurs illustrateurs espagnols ont un petit peu révolutionné la bande dessinée. Ils ont apporté une touche un peu originale. Oui, c'est vrai, d'autant plus que là, pour ces albums-là, il y a des effets de mouvement permanent, puisque comme il y a beaucoup de bastons, de fuites, de poursuites, etc., c'est extrêmement bien rendu. Et le travail d'aquarelle, là, pour ces albums-là, sont très poussés en termes de réalisme. Ok. Aussi. Alors, comment on trouve les Black Sad maintenant? Puisqu'on ne peut pas les retrouver en sortie traditionnelle, comme l'album, le premier, est sorti en 2000, donc on est en 2025, c'est donc l'anniversaire des 25 ans de Black Sad. Donc, ils ont commencé des rééditions tome après tome, en plus grand format, donc ce qu'ils appellent un format luxe, avec des aquarelles supplémentaires. Dans le tome 1, il y a également une interview des deux auteurs. Et à chaque fois, ils changent la couverture. Donc, il y a une production d'une nouvelle couverture, tome après tome. Mais, il y a toujours un mais. Comme ils ont tous les deux très, très affairés, ils ne sont pas toujours en train de s'occuper de Black Sad, puisqu'ils ont mis quand même 25 ans pour sortir l'équivalent de 6 histoires. Donc, c'est quand même très long. Oui, oui. Le dernier a mis 7 ans à sortir avant le précédent. Et là, il y a un spin-off, puisqu'il y a un personnage très récurrent qui s'appelle Weekly. Le petit journaliste. Le petit journaliste, exactement, qui a une casquette qui est vissée sur sa tête et qui est photojournaliste de faits divers. C'est quoi, c'est un renard Non, je crois que c'est un renard ou une fouine. Ah, peut-être une fouine, je ne sais plus exactement. Donc, le Weekly vient tout juste de sortir, là. D'accord. Et avec une précision quand même, ce n'est pas Guardino qui est au dessin. Donc, c'est Canales qui est toujours au scénario, mais c'est Giovanni Rigano qui se réapproprie, en fait, les codes graphiques de Guardino. Mais alors, moi, je l'ai feuilleté en numérique, je n'ai pas eu entre les mains. Mais il y a des nuances, évidemment. Et l'importance de ce personnage est quand même à noter, puisqu'il apparaît dans la série à partir du tome 2, dans le tome 2. Il fait des apparitions récurrentes, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, c'est un peu, d'une certaine manière, l'ombre de l'ombre, puisque Black Sad est une sorte d'ombre, puisqu'il est quand même assez hyper discret, etc. Et Weekly est toujours un peu sur ses traces. Donc voilà, petit spin-off sorti. À se mettre sous la dent. Absolument. À consommer sans modération. Et sous les yeux. Je précise, 2,4 millions de Black Sad vendus dans le monde. petite précision qui me paraît pas inintéressante. Guardino a réalisé une bande dessinée assez chouette avec Erol, mais Erol, je reparlerai pour la partie des plus jeunes, qui est scénariste et dont l'album s'appelle Les Indes fourbes et qui est une aventure outre-Atlantique sur les quêtes des... D'un marquis presque de Sade, un petit peu... C'est en tout cas, il fait des conneries tout le temps, le personnage principal, à la recherche de... Il est là pour s'enrichir. Et là, c'est Guardino qui est au dessin et c'est aussi assez truculent. Voilà. Okay, et puis, pour toi, Pascal, quand même, par rapport à Canales, donc le scénariste, il est le premier à avoir repris les nouvelles séries des Corto Maltese. Oui. Voilà, avec le dessinateur Ruben Peyrejo, dont le premier tome s'appelle Sous le soleil de minuit, et ils en sont au cinquième depuis. Exact. Corto Maltese, une affaire qui prolonge. Ah oui, une affaire qui se prolonge avec des fois différents auteurs. Et si jamais il y en a qui s'intéressent fortement d'avoir des précisions sur Black Sad, il y a un très bon article dans le hors-série spécial chat de 2024 de Métal Hurlant. Donc c'est sur les chats, en général dans la bande dessinée. Mmh. Et donc il y a un très très bon article de 4 pages, page 108 exactement, avec la question suivante: comment Black Sad est devenu le chat le plus populaire de la bande dessinée franco-belge, qui est donc écrit par le journaliste Vincent Brunner, qui parle peut-être à Pascal, puisqu'il écrit dans Les Inrock, dans Libé, dans Slate et dans Topo, qui est dédié à la bande dessinée. Voilà pour moi, pour ce qui est de Black Sad. Je fais une petite aparté rapidement sur l'anthropomorphisme, encore une fois, dans la bande dessinée, avec 3 titres qui me paraissent assez intéressants pour voir cette exploration de l'anthropomorphisme en dessin. Maos, on est dans la triste réalité. Hein. Oui, oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Enfin, Maos, donc, de Art Spiegelman, qui a été primé. Nombreuses fois. Voilà, qui est un roman autobiographique au travers l'histoire du père déporté, et ça traite pas du tout joyeusement du nazisme et des camps de concentration, mais c'est une prise de distance qui est très très intéressante. Et lui, il a aussi révolutionné en fait l'usage de la portée historique en utilisant en fait évidemment la bande dessinée et un anthropomorphisme pour parler d'un sujet extrêmement grave et extrêmement dramatique. Peut-être que les 5 terres, ça va te parler. Là, on change de registre. On est un peu entre plus ou moins de la fantasy. C'est façon Game of Thrones. Non. Façon Game of Thrones, c'est une série qui est sortie chez Delcourt depuis 2019. Le dessinateur, c'est Jérôme Le Réculé. Et les scénaristes, ils sont 3. D'accord. 3 scénaristes. Donc, ils ont fusionné leurs noms. Mmh. Et donc, il n'y a qu'un seul nom d'écrit, c'est Le Widlin. Donc, c'est les premières syllabes de chacune de leurs noms. Et donc, là, on est vraiment sur la vague des grosses sagas, avec des intrigues politiques familiales, sur un ensemble de 5 continents qui met en scène plein d'espèces animales différentes. D'accord. Toujours l'anthropomorphisme. Anthropomorphisme, exactement. Et pour finir sur une note plus légère, on va parler de donjons. Mmh. Allez, parlons de donjons. Parlons de donjons, parce que Pascal est totalement fan. Je ne peux pas le dire. Ah oui, on ne révèle pas les petits secrets. Donjons, donc c'est Lewis Trondheim et Johan Sfar. On aura peut-être l'occasion de reparler de ces deux-là. Qui ont passion commune pour Donjons et Dragons, le jeu. Ouais, bien sûr. Et ils sont partis dans un petit délire tout à fait perso en 98 pour se dire... faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on fasse une sorte de parodie. Mmh. Et donc, ils ont lancé une série que je qualifierais de bordel organisé quand même. Donc, ils sont partis sur une série, ils ont commencé tous les deux. Il y a 5 sous-séries, voire plus, parce qu'ils n'arrêtent plus. Leur objectif, c'est de produire 300 albums. 300 ? Ouais, c'était leur objectif premier, en disant, on fait une parodie et on y va. 300 et au bout, tomes, délire, on fait 300 tomes. Voilà. Alors, évidemment, pour y arriver, sachant que les deux sont déjà pas mal occupés, soit en édition, soit en production personnelle, etc. Vous avez Donjon Protrominé, Donjon Parade, Donjon Monster, Donjon Crépuscule, Donjon Génite, Donjon Antipode. Et à chaque fois, donc ça, c'est des sous-séries. Et donc, c'est de l'héroïque fantasy complètement tordue et délirante, où systématiquement, la pièce commune, c'est le donjon. D'accord, oui, Est, voilà, le donjon est toujours présent dans l'ensemble. Voilà, c'est là où toujours tout se passe. Et on change de genre, en fait, de bande dessinée en fonction de la sous-catégorie. Et ils ont eu une idée assez géniale qui ne se faisait pas trop. C'est qu'ils ont carrément, volontairement, décidé de demander à des auteurs différents de faire un tome, deux tomes, trois tomes, cinq tomes, en fonction de leur propre délire. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une multitude de sous-séries, puisque ça prend des directions complètement farfelues. La liste, déjà actuelle, je ne sais pas, ils sont au moins pas loin de 100 albums, hein, déjà, je pense. Ah oui, quand même. Je n'ai pas compté. Ils vont tenir leur objectif, finalement. Je pense qu'ils vont y arriver, mais puisqu'ils ne prennent pas tout en main et qu'ils délèguent, ce qui laisse à chacun l'imagination et l'interprétation. Ce n'est pas facile à suivre. Hein, je pense qu'il faut devenir universitaire. pour être spécialiste de cette série. Mais c'est une approche de la bande dessinée que je trouve quand même très, très intéressante. Ce fait de partager les sujets. Et Lewis Trondheim en particulier, qui est un auteur quand même avec une belle série de collections devant lui, qui n'a pas un dessin léché, et extrêmement simplifié, etc., mais qui est parti du principe qu'au départ, il ne savait pas dessiner. Et il a monté la maison d'édition Shampoing, où il a vraiment pris en charge cette idée d'éditer plein de jeunes auteurs, etc. Donc, ça va assez dans la cohérence de cette espèce de duo qui devient collectif. Voilà pour moi, pour les adultes. On va peut-être faire une petite pause musicale. Je te propose un jus d'orange. Un petit orange juice, donc, avec voilà, Louis Pitap. Je ne bois pas de café, donc c'est mieux. Après ce petit jus d'orange qui est passé, hein, comme une lettre à la poste, on va dire. Nous voilà de retour. Alors, vous avez bien compris que Géraldine, c'est vraiment une spécialiste de la bande dessinée. Quoi. Elle a gratté, elle connaît le dossier parfaitement. Quoi. En ce qui me concerne, moi, je suis un peu un béotien. Quoi. Je suis amateur, je ne suis pas spécialiste. Et donc, aujourd'hui, mon premier choix, c'est porté, c'est un petit peu raccord avec ce que tu disais tout à l'heure, Donjons et Dragons, sur un roman qui se passe dans une BD qui se passe dans un contexte historique. Le contexte, c'est la guerre de 100 ans. Donc, la BD s'appelle L'Ogre. Ça sera un diptyque, hein, donc en deux volumes, sorti chez Glénat. Qui d'ailleurs n'a pas hésité sur les moyens pour mettre en avant cette BD, puisque c'est un format qui est plutôt sympa, grand format, couverture toilée. Et en plus, l'ouvrage se termine par un espèce de dossier didactique sur tous les personnages historiques que l'on peut rencontrer dans cette BD. Je parle bien de personnages historiques. Alors, c'est une histoire romancée. Les auteurs sont Jean Dufaux, donc scénario assez connu. Un petit peu Jean Dufaux. Et puis au dessin, c'est Juan Luis Landa, donc encore un espagnol, qui a un trait qui est des fois proche un peu de Manara, je trouve, précis, riche. Et puis surtout, il y a des superbes planches, pleines pages, notamment sur les combats médiévaux. Enfin, voilà un petit peu. Alors, pour présenter les auteurs, donc Jean Dufaux, scénariste belge. Il a scénarisé entre autres Jessica Blandy, Les Enfants de la Salamandre, Santiago. Puis la saga Giacomo C, ça te dit quelque chose? Oui, en Italie, là. Oui. Et puis, en 2013, donc, il a pris la suite de Jean Van Damme pour le scénario de... il a repris Blake et Mortimer. Ah, de Blake et Mortimer. C'est lui qui fait les scénarios des nouveaux Blake et Mortimer. D'accord. Je trouve d'ailleurs que c'est une assez belle réussite, puisqu'on voit pas trop la différence. Moi, j'ai bien aimé les premiers, mais les derniers sont dans le même... Oui, c'est vrai. C'est contrairement des fois à certaines... je pense à Astérix, par exemple, où je suis un peu déçu sur... Ah oui, sur la nouvelle directive graphique. Sur la nouvelle directive, oui. Ouais. Les scénarios aussi. Et puis, Juan Luis Landa, donc dessinateur basque, bon, il s'est fait connaître par une bande dessinée... sur la vie de personnages illustres de la culture basque. Il est passé par le, comme tu verras tout à l'heure, l'illustration de livres pour enfants. Il a fait aussi du dessin politique sur la basque, entre autres sur la politique basque. Ah bah, oui, il est resté. Oui. Et il a fait son retour dans la BD en 2021, je crois, avec les deux tomes des chroniques de Roncevaux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'histoire romancée de Charlemagne. Oui, on reste dans le même thème. Toujours. Alors bon, on va revenir à L'Ogre. Ce premier tome là qui est disponible actuellement. Pour vous donner un petit peu le contexte, donc... l'histoire, donc, imaginée par Jean Dufaux, se passe au cœur du Moyen-Âge français, une espèce de thriller historique plutôt remarquable qui nous plonge dans la guerre de 100 ans. Vous savez, cette guerre où la France est les Anglais ont envahi les trois quarts de la France. Donc, ouais. De la France, le dauphin qui est retiré à Chinon essaie de regrimper sur le trône, de récupérer son trône, mais bon, c'est pas facile. Il y a eu la fameuse bataille de, je crois, c'est d'Hastings, où la cavalerie française s'est fait massacrer par les archers irlandais. Ça a été un massacre complet. Donc, dans ce contexte-là, on rencontre à la fois des personnages qui ont réellement existé et puis des personnages qui sont complètement inventés. Et parmi les personnages qui ont réellement existé, enfin, soi-disant, d'après l'histoire française, notamment Jeanne d'Arc, qui est venue voir le dauphin à Chinon, Chinon, ça vous parle un petit peu. Donc, qui va faire partie des personnages et qui rencontre une espèce de... le fameux ogre, donc, le créature assoiffée de sang, un serial killer avant l'heure, qui tue et massacre femmes et enfants. Alors, c'est marrant ce parallèle entre cette guerre sanglante de 100 ans où on pille, on viole, etc. Ouais. Et puis ce personnage-là, et donc qui va trouver une certaine rédemption, apparemment, dans le premier tome, au contact de Jeanne d'Arc, qui va. Il va être fasciné par cette sainte, en quelque sorte. Voilà. Elle l'apaise. Voilà. Et puis, au bon, je ne vous raconte pas tout, il y a tout un tas de petites ramifications, parce qu'il y a un capitaine de la garde royale qui est chargé de mettre fin aux méfaits de l'ogre. Donc, il recherche... Ah oui, l'inspecteur, bon, un peu, quoi. Voilà. Ouais. Donc, du coup, il délaisse sa fiancée qui reste à Chinon. Sa fiancée se fait un petit peu, molestée? Non, pas molestée, mais disons, elle est... Comment dire, elle séduit un petit peu le roi. Enfin voilà, on n'en sait pas plus. Donc prochaine étape, le deuxième tome. Bon, pourquoi pas un troisième, je sais pas. Donc voilà un petit peu topic ouais. de cette BD. Qui est bien dense. Voilà. Est bien dense quand et même. Donc qui est superbement dessiné avec des doubles pages, je vous dis, des chevaliers, des batailles, etc. C'est vraiment assez bien transcrit, quoi. Voilà. La couverture est très Paolo Uccello pour les amateurs d'histoire de l'art. C'est pas avec, très radiophonique. Ce que non, je veux c'est faire, pas mais, radiophonique. Voilà, les pages de bataille. C'est assez sombre par moments. Ah, il y a des points de vue sur le château de Chinon, là. Oui, oui. Ah, très bien. De la culture locale. Là, on trouve un petit peu le trait de Manara sur certains. Ah oui, oui, oui, il y a un petit côté. Oui, c'est vrai. Sur les visages des personnages, voilà. Effectivement. Je ne l'ai pas lu, moi, encore, celle-ci. Mais sur les visages, ouais. Je vois ce que Pascal dit. Il y a encore des belles endormies. Pascal aime bien sûr, les belles endormies. Jeanne d'Arc est plutôt séduisante, tout à fait. Elle est pas, elle a pas sa coupe au bol? Non, non, c'est plutôt ça va pas du tout, ça. Coupe, enfin, plutôt sympa, auburn, plutôt les mignonne. Cheveux bon, longs. Forcément, une héroïne ne peut être que mignonne, quoi. Ah ouais, ouais. Surtout que c'était pas trop son délire, je crois, Jeanne d'Arc, non. D'être mignonne. Non, parce pas... non, non, elle était quand même... la pucelle d'Orléans, quand même. Et puis, elle était quand même portée par la voix de Dieu. Et, oui. Poussée par des choses qui l'a dépassée, clairement, elle l'a toujours dit. Voilà pour mon choix. Donc, album qui est disponible actuellement... Le prix peut-être, c'est bah, comme c'est un grand album, il est plus cher. Ouais, c'est 29 €, ça reste raisonnable. Ouais, les Black Sabbath doivent être autour de 22. Oui, alors les nouveaux, les grands formats, ah non, les ils grands sont un plus peu cher. Plus chers. Hein. Ils approchent 30. Ouais, c'est ça. Ben oui. Alors, ben, Gerline, à toi maintenant ton deuxième choix. Mais oui, mon deuxième choix, toujours dans l'anthropomorphisme, et après avoir satisfait peut-être les adultes, j'aimerais m'adresser aux plus jeunes. Allez. Parce que la bande dessinée, initialement, paraîtrait-il que c'était pour les enfants. Donc ce serait bien. Nous sommes restés des grands enfants. Bien sûr. Il ne faut pas perdre cette part de nous. Donc moi, j'ai fait un choix récent, là, pour le coup. C'est Jefferson, avec un petit nom à l'anglaise, qui est l'adaptation d'un roman de Jean-Claude Mourleva. Donc le roman s'appelait également Jefferson. Donc c'est un album qui était sorti, un album jeunesse, qui était sorti donc en 2018, qui était à l'intérieur illustré de quelques planches par Antoine Roson. Et Antoine Roson, avec cette expérience-là avec Mourleva, au bout d'un moment, s'est dit « j'aimerais bien l'adapter en bande dessinée ». Donc, ils se sont recontactés, puisque quand Jefferson, le roman, quand il est sorti, il a été pas mal primé dans les festivals de littérature jeunesse, etc. Ce qui fait qu'il y a eu des séances de dédicaces. Et donc, Roson et Mourleva se sont rencontrés à plusieurs reprises dans différents endroits. Et donc, ils ont fini par lui en parler, et Mourleva était « OK ». Pour cette adaptation. Donc, on est sur un album qui a été édité chez Gallimard. Il y a quand même une centaine de pages. Oui, il y en a 126. C'est un format qui n'est pas très grand, hein, qui fait 24-25 cm de haut. Donc, il est maniable. Il est plutôt à destination des enfants à partir de, je sais pas, je dirais 9-10 ans quand même, parce que... Puisque je suis sur une thématique de policier, ben c'est quand même un polar. Donc, il y a un meurtre aussi dans l'ouvrage. Donc, Jefferson, donc c'est une fable animanière qui va mettre en exergue, en fait, certains questionnements contemporains du monde, avec des thèmes sur l'amitié, sur prouver son innocence, sur la maltraitance animale, sur la stigmatisation des différences, puisque dans cet album, on va avoir une ville où Jefferson vit, puisque Jefferson, c'est un hérisson. Donc on est plutôt d'accord. Là sur des animaux plutôt plus ou moins familiers de la campagne. Oui, d'accord. Qui n'était pas le cas avec Black Sabbath, où l'amplitude animalière est beaucoup plus grande et va dans plusieurs domaines animaliers. Donc là, on est vraiment... c'est aussi à destination des enfants. Donc, il y a toujours une idée que la ferme, c'est un truc qui peut intéresser plus facilement les enfants. Donc, on va être sur des hérissons, des cochons, des blaireaux, des chèvres. Bon, voilà. Et Jefferson, on veut un petit personnage tranquille. Donc, c'est un hérisson, donc il n'est pas très grand. Alors, ils ont quand même tous des postures verticales. Parce que on pourrait discuter, ça pourrait être un sujet plus vaste. Mais dans l'anthropomorphisme, on peut faire plusieurs choix. D'accord. Voilà. Donc, on peut avoir des justes. Par exemple, la ferme des animaux, d'Orwell. Ils n'ont pas des postures humaines. Ils sont toujours à quatre pattes quand ils sont à quatre pattes. Le château des animaux, pareil. Le château des animaux, plus récent, effectivement, qui reprend cette thématique. Oui. Là, on est encore, en fait, dans des animaux qui ont des animaux. Donc là, c'est juste la psyché humaine qui leur est calquée. Donc là, on est quand même sur des animaux qui se sont verticalisés et qui portent des vêtements. Okay. Et qui vivent dans un petit village, je crois qu'on n'a pas le nom ou je ne l'ai pas retenu. Et Jefferson, ce matin-là, part tout simplement à pied, pouf pouf pouf, chez le coiffeur, parce qu'il veut se faire couper un peu la houppette kirbique. Il va toujours chez le même coiffeur, puisqu'il n'y en a qu'un. Le coiffeur a une assistante qui est sa nièce, qui s'appelle Carole. Et pendant le trajet, il rêvasse qu'il va se faire plutôt coiffer par Carole, parce qu'il aime un peu bien Carole. D'accord. Quand même. Voilà. Donc sur le chemin, il longe la route, évidemment. Il se fait moitié renverser par une voiture, une sorte de pick-up 4x4 qui roule à toute berzingue. Dedans, il y a deux humains qui en profite pour l'insulter au passage. Parce que ça mélange les humains et les animaux. Oui, absolument. D'accord. On a ce village là où vit Jefferson et on va voir qu'il va devoir se rendre chez les humains. Quand il arrive chez le coiffeur, qui s'appelle Définitif, d'accord, oui, subtilité, il y a dans le salon, en fait, Madame Christiansen, qui est une chèvre. D'accord. Et qui est sous le casque, vous savez, le gros casque de mise en pli. Et elle est moitié endormie, parce que c'est très long pour avoir une belle mise en pli. Ça chauffe. Donc elle est moitié endormie et pas de coiffeur dans le champ de vision. Jefferson s'avance, le cherche, l'appelle. Et en fait, au détour d'un meuble, le trouve étendu au sol, une paire de ciseaux plantés dans le cœur. Fiche trop diantre. Ouh là là. A priori, il est mort. Et dans le moment de panique, en fait, il essaye, vous savez, par sursaut, de le réveiller. Et il fait ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il ne faut pas toucher les blessures ni les cadavres. Il retire la paire de ciseaux parce qu'il est en panique. Et à ce moment-là, la chèvre se réveille, entend les cris de Jefferson et elle le voit, avec ciseaux brandis. Bah. Alors là, écrit au meurtre, à l'assassin, on se croirait chez Molière. Et elle l'accuse littéralement, évidemment, du meurtre en disant évidemment n'importe quoi, puisqu'elle brode sans arrêt. Plus elle prend la parole, plus elle rajoute des trucs qu'elle n'a pas vu, hein, que les choses soient claires. Et donc, dans la panique, il s'enfuit. Il avait rendez-vous avec son ami Gilbert, qui est un cochon, c'est son ami d'enfance. Et bah, il ne peut pas le retrouver, évidemment, mais il essaie de le contacter. Gilbert fait énormément de fautes d'orthographe dans ses SMS. Comme beaucoup, n'est-ce pas? Il ne met pas d'émoji, mais voilà, il fait des fautes d'orthographe. Et à un moment donné, dans les heures qui suivent, Jefferson est planqué. Je ne sais pas quoi faire, en fait, puisqu'il est innocent. Et il y a beaucoup de remue-ménage dans le village. Il reçoit un message signé de Gilbert, mais alors zéro faute d'orthographe. Ah. Et là, il dit, oh non, la police est avec lui, qu'est-ce que je vais faire? Mais finalement, ce message a été dicté par Gilbert à la police, qui avait déjà cogité. Et dans ce message, finalement, il y a un code que Jefferson va identifier, comprendre. Il sait que c'est la police qui a écrit, mais il est dicté par Gilbert. Et en fait, ils vont se retrouver dans un endroit où ils faisaient une cabane dans la forêt. Et à partir de là, tergiversation, est-ce que je me rends, est-ce que je ne me rends pas? Je suis innocent, mais tout m'accuse. Enfin, vous voyez toutes ces questions-là. Et finalement, vu que les accusations... Et déjà, dans le lendemain, il y a dans le journal local, il y a un article qui accuse d'emblée sur le témoignage de la chèvre. Et donc, il décide, avec son ami, de partir en quête de son innocence. Et pour ça, il va rencontrer la nièce en se déguisant en fille, la nièce du coiffeur. D'accord. Qui va accepter, mi-effrayée, mi-attentive, va accepter de l'écouter et va la mettre sur une piste à l'aide d'une carte postale qui provient du village des humains, où son oncle se rendait mystérieusement, très régulièrement, sans jamais expliquer ce qu'il y faisait. Donc on a déjà là le cœur de l'intrigue et à partir de là, ils partent en enquête. Pour aller au pays des humains, ils vont partir dans bus qui organise des voyages chez les humains à la découverte du monde des humains. Sous une fausse identité, ça va sans dire, n'est-ce pas? Et à partir de là, en fait, dans cette ville, alors les animaux sont plus petits que les humains. D'accord. Il y a un rapport d'échelle, voilà. Il y a un rapport d'échelle qui correspond aussi à la perception que les humains ont dans cet album des animaux. Ils sont doués de parole, on peut communiquer avec eux, mais quand même, ils sont un peu inférieurs. Oui, donc le rapport d'échelle, voilà, le rapport d'échelle va influencer un petit peu l'état d'esprit qui est dans le dans l'album. Hein. Je dis pas que c'est la l'état d'esprit réel, mais c'est l'état d'esprit c'est des albums. C'est le message qui est passé dans l'album. C'est le message qui est passé pour pouvoir justement participer à l'intrigue et à cette enquête avec toute la la difficulté de trouver des indices, même s'ils sont maigres, faire de la déduction, se faire confiance, chercher à faire confiance à d'autres, et qui transitera par la guide touristique qui les a accueillis, qui, on voit bien, a un rapport très horizontal entre humains et animaux. Pour elle, il n'y a pas de différence. Mais chez les humains, il y a quand même une troisième problématique, c'est que chez les humains, il y a encore, évidemment, de l'élevage animal pour la nourriture. Évidemment. Donc, il va y avoir des abattoirs, des choses comme ça. Et voilà, il va y avoir un rapport d'intrigue entre le coiffeur, ses missions secrètes chez les humains, les abattoirs, et on va découvrir tout un filet traquenard complexe qui va traiter effectivement de la maltraitance animale, les groupuscules qui essayent d'intervenir entre humains, pas humains, et Jefferson va se retrouver au milieu de tout ça, pas mal secoué, puisque c'est quand même un personnage qui a une vie au départ extrêmement tranquille. Ouais. Voilà. Et on va retrouver les fameux deux automobilistes qui, voilà, il y a des effets de boucle. Non, ne dis pas tout, ne dis pas tout, faut pas dévoiler. Des effets de boucle. Okay. Donc voilà pour cet album. Alors c'est un album qui a été entièrement scénarisé et dessiné par Antoine Roson, donc je rappelle, illustrateur du roman de Mourlevat. Les illustrations dans le roman étaient en noir et blanc parce qu'elles étaient imposées soit par la maison d'édition, soit par l'auteur. Je n'ai pas trouvé l'information particulière, mais en tout cas. Et Roson, là, avait choisi d'utiliser la méthode traditionnelle parce que c'est un auteur qui produit énormément en littérature jeunesse. D'accord. Voilà, qu'on retrouve chez Hachette, chez Milan, à La Martinière, dans les J'aime lire, chez J'ai lu. Donc, il a quand même, voilà, il a une production récurrente et identifiée et reconnue. D'ailleurs, pour l'illustration pour Mourlevat, c'est la maison d'édition qui l'avait contacté pour venir illustrer. Autre fait particulier, c'est que la couverture du roman n'est pas faite par Roson, mais par une autre illustratrice. Ah, des fois, c'est compliqué. Qui s'appelle Lisa D'Andrea. Je n'ai pas creusé son travail. Voilà. Donc, pour en revenir à Jefferson, notamment pour les propriétés graphiques, j'ai réussi à entrer via Instagram, magie du monde numérique, avec Antoine Roson, qui est pas mal occupé, mais qui a accepté de répondre à quelques questions concernant le travail, parce que je m'intéressais à savoir pourquoi il l'avait adapté, est-ce que c'était lui, est-ce qu'on lui a demandé. Donc c'est vraiment lui qui a l'initiative de cette proposition, parce que ça l'intéressait, puis il a pris beaucoup de plaisir à faire le scénario, à mettre en place les dialogues, etc. Et ça lui a aussi permis, à nouveau, alors là, du coup, de travailler en couleur. Et la production graphique de l'album est faite au trait. Donc, il y a quelque chose d'un peu doux dans les couleurs. Donc, pareil, hein, c'est pas radiophonique, mais je montre à Pascal. Les personnages sont plutôt stylisés. Voilà, avec des valeurs de gris, parce que les animaux dans la forêt, notamment les blaireaux et les sangliers, voilà. Pas mal de gris, là, tu vois là, le rapport d'échelle. Hein. Même tu vois tous les animaux, les boucs, les blaireaux. Oui, c'est un dessin un peu enfant. Enfin, qui met des enfants, quoi. Ouais, qui un peu doucereux, mais quand même pas trop non plus, hein, parce qu'on n'est pas dans le conte féerique. Hein. On est quand même dans une première approche de la réalité et des côtés sombres, des comportements humains. Parce que là, c'est sur les humains que ça se précise. Et pour ce qui est des couleurs, il les a traitées à l'ordinateur. Donc, couleurs numériques et tout le trait à la main. Et comme j'ai eu des petites infos, puisque je l'ai eu en échange, Antoine Roson est en cours de la création du tome 2 que dans les romans, il y a Mourlevat, on a écrit 3 autour de Jefferson. Et il est en train de... D'accord. Donc voilà, Antoine Roson est sur le tome 2. Alors, il a aussi des projets. Donc, une affaire à suivre, quoi. Et absolument, une affaire à suivre. Je n'ai pas la date de sortie. Il y a plein de choses sur son... Il a un compte Instagram, un compte Facebook, Antoine Roson. Donc, on peut aller jeter un œil. Il a également un site qui s'appelle antoineroson.ultra-book.com, si on veut voir. Et voilà, on attend la suite. Moi, j'ai pris, c'est pour les jeunes, hein, mais j'ai pris plaisir. C'est bien écrit. Je pense que rentrer dans une intrigue policière, finalement, avec un meurtre, pas un vol. Oui. Hein, pas un vol. Mmh. C'est pour ça que c'est pas pour les, je dirais pas avant 9-10 ans. Parce ouais. que quand c'est une intrigue policière autour d'un vol, d'une disparition d'objets, là, il y a quand même un meurtre. Et puis, il y a surtout aussi des scènes de violence, un petit peu, parce que Jefferson va se faire choper lors d'une planque auprès des deux humains là, qui sont particulièrement grossiers, agressifs, etc. et qui vont vraiment le maltraiter et qui envisagent de l'assassiner. D'accord. Oui, pas mettre voilà. entre toutes les mains quand même. Ouais, voilà. Donc, pas, voilà. Quand même okay. à des enfants qui ont une certaine maturité. Je voulais bon. Faire quelques petites prescriptions. On va faire une petite pause musicale. Ah oui, une petite pause musicale avant la prescription. Un petit peu, ouais. Donc, et qu'on ça va marche. Écouter, ben, tiens, on va écouter bon, David Bowie. Ah oui. Et je vous dirai après pourquoi. Pourquoi voilà. Some man waiting in the sky. Vous venez d'écouter donc David Bowie et le morceau Star Man, tiré de l'album Ziggy Stardust, donc paru en 72, je crois, si je me trompe bien. Parce que mon second choix va se porter sur une BD musicale, on va dire. La BD, c'est Starman, quand Ziggy éclipsa Bowie, de l'auteur Rainer Kleist, donc paru chez Casterman. Donc Rainer Kleist, c'est un dessinateur allemand qui a trouvé refuge à Berlin. Et il est assez connu. Son premier grand succès, il a fait une espèce de revisite de Casanova. En allemand, bien sûr. Il a fait une BD sur Lovecraft aussi. Enfin, ça, c'était ses premiers, travaux. Et puis, depuis quelques temps, il s'est spécialisé un petit peu dans le milieu musical, puisqu'il a fait, trois BD musicales déjà. Johnny Cash, Elvis Presley, Nick Cave. Et là, il revient avec un nouvel album, donc sur David Bowie. Alors, l'histoire se concentre sur une partie seulement de la carrière de David Bowie, parce que elle est assez, assez longue, et puis il a touché un peu à tous les styles musicaux. Absolument. Presque. Donc la période allant de 72 à 76, alors 72 c'est la naissance du messie du rock'n'roll Ziggy Stardust, donc alter ego de David Bowie, qui marque le début de l'ascension de David Bowie vers les sommets de la musique pop, toujours plus radical, métamorphosé, drogué, en rockstar égocentrique, voilà, avec le risque de succomber à la célébrité, à la paranoïa, et de voir un petit peu le personnage de Ziggy Stardust, personnage donc inventé, prendre le dessus sur la vraie personnalité de David Bowie. Et donc, 76, parce que il finit par fuir Los Angeles, où il avait tourné, entre autres, l'homme qui voulait The Man Who Sold the World. Oui, The Man Who Sold the World, oui. Voilà, donc science-fiction aussi. Il avait un petit peu marre de tout le showbiz, etc. Il sentait bien que ça nuisait à sa créativité un petit peu. Et donc, il fuit Los Angeles pour aller vers Berlin-Ouest, où il enregistrera sa fameuse trilogie berlinoise, parce que, dit-il, il se sentait plus libre que jamais, et puis il a pu se réinventer un nouveau personnage. Alors, Rainer Kleist dépeint de façon plutôt, je dirais, captivante, un peu la jeunesse d'une personnalité artistique haute en couleurs. D'ailleurs, il a abandonné ici, dans cet album, son noir et blanc, sur les trois albums précédents, qui étaient en noir et blanc. Et là, il y a beaucoup de couleurs. Ça mérite aussi, le personnage Ziggy Stardust est haut en couleur, donc en noir et blanc ça aurait été étrange. Tout à fait, et qu'on y croise tout un tas de célébrités, donc Lou Reed, Iggy Pop bien sûr. Mais il en a profité à l'occasion, quand il l'a emmené en Allemagne, de lui sauver la peau quand même. Oui. Là c'est la fois où il l'a rendu à la vie. Et puis ça met assez bien en évidence un petit peu le rôle du mentor un peu musical David Bowie, celui qui a su capter sa créativité, de Brian Eno. C'est un guide un peu. Voilà, qui l'a un petit peu guidé. Voilà, et donc, BD très intéressante, 300 pages quand même. Il y a de quoi lire. On en apprend, je croyais tout savoir sur la carte de David Bowie, on en apprend un petit peu. Alors, il y a peut-être une partie qui est un peu romancée. Notamment son questionnement sur la célébrité. Comment savoir précisément, etc. Mais bon, une BD à la croisée du documentaire et de la rêverie graphique, je vous la conseille fortement. Voilà, un prix raisonnable, une trentaine d'euros, je crois. Voilà, la couverture très pop. Oui. Hein, rouge et jaune. Le personnage de David Bowie. Voilà, un léger contre-plongée. Et voilà pour nos conseils du jour. Alors, peut-être on attend la suite. Ah oui, la suite, oui. Non, les prochaines BD. Les prochaines sorties, BD, alors On a parlé tout à l'heure du Château des Animaux. Je crois que le prochain tome sort en novembre, au mois de novembre ou décembre. Qu'est-ce qu'il y a qui va sortir encore La Lance et le Serpent, la fameuse enquête chez les Incas. Qui sort aussi à peu près en fin d'année. Il y a Mathieu Bablé là, qui vient de sortir. On en parlera peut-être dans une prochaine émission. On pourrait parler de science-fiction. Voilà, ça sera un thème à aborder. Thème, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai vu passer encore la saga d'Elric, le nécromancien. Tome 6 qui vient de sortir. Donc l'univers de Morcock et d'Heroic Fantasy. T'as peut-être des conseils J'ai rien en tête du tout. T'as pas encore fait tes courses pour Noël. J'ai pas encore fait mes courses pour Noël, mais les rayons sont remplis. Il y a une BD qui m'intrigue, il faudra que je jette un regard plus approfondi que maintenant, qui s'appelle L'Amourante. J'étais en train d'y penser à l'instant, effectivement. L'Amourante. Qui est sortie il y a un mois ou deux, très très récemment. avec un personnage principal féminin qui est, entre guillemets, immortel, mais dans des conditions un petit peu on dit pas plus, particulières pour pouvoir rester immortel, et qui est un beau pavé. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin de 200 pages, je pense, quand même. Hein. Okay. Il est conséquent, c'est un grand format. C'est un grand format. Moi, j'ai commencé à le lire, mais je n'ai pas fini de le lire. Ah, donc, une prochaine à suivre. Voilà, donc, prochaine émission, on a du travail sur la planche. Donc, Géraldine, je te remercie. Planche et la case. Ouais. Et puis, on va se quitter... En musique. En musique. Et bien, donc, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. She crossed herself as she put on her things. She has promised once before not to live this way. If she don't calm down, she will burn herself out like a forest fire. Well, doesn't that make you smile? If you don't slow down, I swear that I'll come round and mess up your place. Let's go for a spin. Say we shouldn't even know each other, and that will be undone. Don't it make you smile like a forest fire? I believe in love. I'll believe in anything that's gonna get me what I want, get me off my knees. Then we'll burn your house down. So good, it's a forest fire. Every time we get together, burn the ocean. If we get caught in the sea, we're gonna be undone. It's just a simple metaphor. It's for a burning.